bon Dieu fait jour. Dis la vie ou tranquille, tranquille. Et quand tout le monde nous sait en vie, tout va caillou en l'ange vini. Aïe aïe aïe, y'en que ça ouvre la porte à Dieu. Ça qu'arrive où? Aïe aïe aïe, c'est lui qui l'a ou bien fiancé. Someone.